Bonjour. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'enregistrement de Bernard. Ben, il y en a deux, en fait. Il y a la sélectivité puis la rejectance. Bon, c'est un petit peu un anglicisme, là, la rejectance, mais c'est parce que Bernard, il voulait parler du rejet, mais d'une façon qui n'est pas péjorative, qui n'est pas polarisée psychologiquement. Donc oui, l'affaire qui est arrivée dernièrement, oui, j'en ai parlé, je me suis expliqué, ça dure même pas 4 minutes, la vidéo. Pourquoi? Ben, entre autres, par souci de transparence. Puis Bernard, il dit, ouais, mais quand vous faites une affaire de même, que vous faites de la sélection, que bon, faut que la personne elle sache pourquoi on doit au moins ça. Mais ben, franchement, avec le recul, je pense que je l'aurais coupé sans parler. Parce que, bon, parce que le but, c'est pas d'humilier le monde, là. Mais là, quand une personne est désagréable, puis en plus, elle admet que c'est volontaire, puis qu'elle fait exprès, là, non. Puis, bon, là, par après, il y a des réactions. Il y en a même un qui m'écrit « Take care ». Vous n'êtes pas tous des amis de la clarté, hein? C'est comme, comment vous voulez que j'interprète ça? Comment tu veux que j'interprète ça? Take care. Même dépendamment du contexte, on pourrait même voir ça comme des menaces. Heureusement que ça m'énerve pas, hein? Donc, bon, par rapport aux commentaires que j'ai reçus, il y en a un qui est bien choqué, là. Puis même, c'était se demander si c'est pas une perle la même, en tout cas. Donc, man over the shapes. Dans une conversation où il parle de moi, il parle de moi avec quelqu'un d'autre, mais c'est comme si j'étais pas là, comme si j'allais pas le voir. C'est un peu comme être assis à une table, puis là, il y a des personnes qui parlent, puis il y a une personne qui parle de vous comme si vous étiez pas là, au niveau de l'ajustement, là. Donc il dit, ces gens-là, déjà là, ça commence bien, ces gens-là. Immédiatement, le principe d'altérité. Bon, connaît là, un petit peu les formes psychologiques que ça prend. Moi, je m'adresse à des individus, ça a rapport avec des individus là, quand il y a des amalgames là, au niveau de collectif, puis bon, ça passe, c'est subjectif en partant. C'est quoi ces gens-là? C'est quoi ces gens-là? C'est drôle, hein? J'ai jamais eu de conflit avec David Lévesque. J'ai jamais eu de conflit avec Marc de la Salle. J'ai eu des, à un moment donné, un petit conflit qui s'est vite réglé avec Sergio Poirier. À un moment donné aussi, bon, il y a Sabourin. Bon, Sabourin, lui, il pense qu'il y a de la surpopulation, puis il a endossé le discours des médias, puis bon, il a fait son choix. Mais j'ai pas de conflit avec, dans le sens il fait son affaire, je fais mon affaire, puis on va pas s'écœurer, là. Hein? De toute façon, qu'est-ce qu'il rajoute? Ces gens-là sont dans le contrôle. Dans le contrôle. Est bonne celle-là. Comme si d'exercer une certaine territorialité, c'était pas correct, là. Ça revient à être un contrôle freak. Puis moi, en plus, je suis quelqu'un d'indulgent un petit peu trop souvent, puis ça m'ennuie beaucoup. Donc, ces gens-là sont dans le contrôle de tout ce qui ne leur plaît pas. Eh bien, comment tu veux que je contrôle tout ce qui est, en tout cas, ou plutôt de leur ego? Au pacifié, ils sont incapables d'affronter leur miroir, ils le rejettent et après ils peuvent même vous montrer du doigt et vous ostraciser face au groupe. Moi, j'ai pas de groupe, hein. Est-ce que j'ai l'air d'un groupe? La plupart du monde, souvent, je me souviens même pas, là, les pseudos, à moins de bon. Mais c'est pas un groupe, là. Groupe de quoi? Hey, je suis tout seul là, dans le fin fond du Québec, là, entre deux bancs de neige. En tout cas, d'affronter leur miroir, parce que l'affaire un miroir, là, moi je l'ai dit clairement, là, Dark Emist, chaque fois que je le lisais, je sentais une baisse d'énergie carrément. Un miroir, c'est censé réfracter les photons, pas les aspirer, d'accord? Donc, leur miroir, ils les rejettent et après, ils peuvent même vous ostraciser. Ils décrivent les agissements des sociétés occultes, mais sont incapables d'introspection quand il s'agit d'eux. Comme si, au fond, bon, moi, j'agis comme une société occulte. Puis je m'en rends, bon, du coup, c'est tellement, ouais, je ne défends personne, je décris le fait d'une longue observation, ben, c'est une interprétation là, de fait. Le miroir de l'ego n'est pas une propriété ou un sac à dos propre à un tel ou un tel. Il est à voir objectivement comme une possibilité d'aller plus loin que ses illusions. Ce n'est plus... Moi, ça, c'est ça. Là. Ce n'est plus acceptable. Cela doit cesser. Ce n'est plus acceptable. Cela doit cesser. C'est exactement ce que je considérais par rapport à Darkemus. Puis là, Man Over the Shame, j'imagine que, bon... On n'entendra peut-être plus parler, ou alors ça va revenir sous un autre nom, là. Ben, franchement, là, je vais être franc, là. Il y a un petit problème, là, par rapport à que, dans le fond, oui, j'ai le droit d'exercer une certaine territorialité. C'est rare, là, que je coupe du monde. Très rare. Puis en plus, bon... Ceux qui comprennent certains principes de psychologie inversée, puis j'ai possiblement fait une erreur. C'est-à-dire que, bon, à un moment donné, j'ai dit, ben, ça s'améliore, parce que justement, les commentaires étaient moins déplaisants, étaient moins déplacés, étaient moins hors contexte, étaient moins subjectifs. Ben, c'est un peu comme un certain cas d'enfant problème, que tout d'un coup, ils ont des bonnes notes à l'école, puis on les félicite, puis. Qu'est-ce qui se passe au niveau de certaines structures inversées de la psychologie? Qu'est-ce qui arrive? Ils font une connerie. Un jeune que tu félicites, là, dépendamment du type psychologique, après, bon, ben finalement, tout d'un coup, la police arrive avec parce qu'il a fait du vandalisme ou des choses comme ça. Donc, bon, j'aurais dû le couper puis pas en parler, mais c'est vraiment par souci de transparence. Parce que c'était déplaisant exprès. Puis c'était hors contexte, puis ça n'avait pas rapport, ça recommençait, comme il y a un an. Donc, bon. Puis là, Man Over the Shapes, moi, je suis pas Gurki le Murki, là. J'ai pas envie d'avoir des milliers d'abonnés, là. Je m'en fous, là. Moi, c'est d'être confortable, puis de pouvoir m'exprimer à l'aise comme je peux, comme je veux, sur ma chaîne, sans me faire chier. Puis j'avais été clair là-dessus. Puis lui, ben, bon... Darkemist, et à un moment donné, comme il me sort des affaires d'alchimie, puis les dieux, ce qui n'avait rien à voir, ça n'a absolument rien à voir avec. C'était hors contexte, ça n'a pas rapport, puis après il me répond, ben, je le savais, là, que ça te ferait chier. Donc, tiens, il me l'a pas dit comme ça textuellement, mais c'est ça que ça voulait dire. Donc, il faisait exprès, là. Il recommençait. J'osais dire, ça recommence, puis là, tout d'un coup, il y a une force interne qui peut pas. J'avais osé dire, ben, ça s'améliore. Tu sais, je trouve que c'est plus agréable. Puis tout d'un coup, il y a une force interne qui peut pas s'empêcher de redevenir déplaisant. Vous le voyez pas, là? Moi, je le vois. Puis, bon, à partir de maintenant, si possible, je vais essayer de me fier plus à la vibration, puis je me justifierai plus. S'il y en a un autre avec le même genre d'attitude, puis je ne me justifierai plus. De toute façon, j'en ai plein le cul. C'est souvent, on vient critiquer le fait que, bon, je prends la parole, puis je m'exprime, puis... Mais c'est ceux qui viennent, c'est toutes des chaînes sans contenu. Si vous avez de quoi à dire, ben ouvrez votre chaîne, puis parlez. Mais je veux dire, c'est tout le temps quelque chose qui va être dit par rapport à ce que je dis. C'est pas ça, là, exercer la parole. Puis, au niveau d'un droit d'exercice de remontrance, moi, je considère que non, il n'y a pas la... Il n'y a pas ce qu'il faut dans le sens que, bon, ben là, exercez-la, votre parole, mais c'est tout le temps parler de ce que l'autre dit tout le temps. C'est ça que je trouve tannant. Puis là, ça me met dans une situation que, par souci de transparence, oui, j'en ai parlé. Puis, ouais, j'ai peut-être été un petit peu rough, un petit peu dur en disant, ben là, c'est comme des mouches ou des puces. Mais ben, franchement, je le sens un petit peu comme ça, là. C'est comme des grenouilles qui montent du fleuve pour entrer dans la maison. Puis ça, c'est réellement déplaisant. Puis en plus, ça avait l'air volontaire. Volontaire, moi, c'est ça que je tolère pas. Puis, ouais, mais pourtant être dans le contrôle. Les gens qui me connaissent en privé savent que je suis pas quelqu'un qui est dans le contrôle. Au contraire. Mais il reste quand même qu'à un moment donné, c'est qui là qui se méprend? Puis j'ai pas envie, j'ai pas de temps à perdre avec vos astuces d'enfantillage. C'est des enfantillages. Je vais pas passer mon temps à me justifier. L'affaire, c'est qu'à un moment donné, j'en viens à avoir ma parole bloquée parce que je vois venir d'avance les mésinterprétations, puis j'en ai plein le cul de ça. Donc, je suis bien plus à l'aise puis bien plus confortable en n'ayant pas d'alchimiste dans le décor, c'est sûr. Puis, man over the shake, ben oui, va-t'en. Tu sais, c'est pas moi qui va t'en empêcher, au contraire, au contraire. Puis, si vous avez l'œil assez vite, vous allez vous rendre compte que je me suis toujours arrangé pour qu'il y ait d'une façon autorégulée, un tri qui se fasse. Donc, si ça vous plaît pas, ben prenez-la la parole. Exercez-la votre parole. Tu sais, je vais pas tout le temps servir de support, là. Parce que là, si la parole, c'est tout le temps rien que des remontrances, puis du monde qui veulent me prendre en défaut, puis qui cherchent la petite bête noire, c'est bonne valeur, mais c'est juste désagréable. Prenez Pierre Blanchette, il est bien plus mature que vous autres. Je parle ceux là, qui viennent me faire du trolling, là. Ben oui, mais comme moi, ben il y a eu dans l'enfance la présence d'un père. Des fois, je me demande s'il n'est pas là le problème. Entre autres, parce qu'il faut que ça soit un problème qui se soit incrusté tôt dans le développement, ce type d'agissement-là. Parce que Dark Chemist, il a tout fait dans le fond pour que je le recoupe puis que je ne veuille plus rien savoir. Puis moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est les incels qui blâment les femmes, qui font tout pour que les femmes veulent rien savoir d'eux, puis après, ils se mettent à haïr les femmes, puis ils blâment les femmes. Puis après, il y a une sorte de projection. Puis qu'on vient me dire que, dans le fond, je ne suis pas capable d'introspection. Mais là, c'est Dark Mist, il agit de façon à ce que je m'en débarrasse. Puis c'est pas la première fois, puis on dirait qu'il me cherche. Puis je considère que j'ai été très indulgent puis très patient, même je l'avais débloqué. Puis quand je l'ai débloqué, ça me disait de pas le débloquer. Mais moi, faut que je vérifie, je suis porté à toujours vérifier. Mais là, je vais me fier de plus en plus à mon ressenti. Puis c'était vrai. C'était vrai. J'aurais pas jamais dû le débloquer, dans le fond. Mais il était resté dans les parages, puis je le voyais apparaître de temps en temps ailleurs. Puis je me disais, bon, ben c'est encore de valeur, tu sais. Au fond, il est pas mauvais, il est pas méchant, c'est pas une mauvaise personne. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose parce que, comme je dis, c'est un peu comme les incels, là, qui font tout pour que les femmes les aiment pas, puis après, ben, ils blâment les femmes qui sont tout seuls. Puis regardez, là, Dark Chemist, là, il est responsable de ses agissements. Il est responsable de la façon qu'il fait exprès pour être déplaisant tout le temps. Une fois de temps en temps, c'est correct. Mais là, si c'est pour redevenir une habitude, puis en plus, après d'avoir. Moi, c'est le côté qui arroge. Il arroge, là. Après, on a dit, ah, ben, je le savais que ça. Ben oui, mais pourquoi tu fais exprès? Tu le sais, dans le fond, que ça n'a rien à voir. Donc, bon. Moi, je vais devenir de plus. Le pire, c'est que souvent, je vais dire, ben là, c'est arrivé souvent, je vais dire, ben là, je vais être plus drastique, je vais être plus intolérant. Puis pourtant, je finis tout le temps par m'attendrir un petit peu, puis finalement, je me remets en question, c'est justement parce que j'ai une capacité d'introspection, puis finalement, bon, ben, je recule, puis je réouvre la porte aux grenouilles, aux plaies. C'est pire qu'une plaie d'Égypte, quasiment, là. Donc, à un moment donné, là, ça va faire. Ça va faire. Puis je veux pas. Pourtant, vous voyez, moi, je le sais intérieurement. Je ne devrais pas avoir à me justifier. J'ai pas à me justifier. Puis pourtant, par souci de transparence, puis par souci de clarté, je vais être pourtant à me justifier pareil. Mais c'est quelque chose que je ne ferai plus à l'avenir. Parce que c'est une perte d'énergie. Ça revient de toute façon. Il y a que. Quand quelqu'un fait exprès, là, parce que là, c'est vraiment exprès, comme cette vidéo-là, là, qui avait été commentée le matin où j'ai décidé, j'ai dit là, ça va faire, là. Je le recoupe, là, ça va faire. Il me parlait, là, comme ce que je disais que ça sentait l'alchimie, puis là, les dieux à travers ça, puis ça n'a rien à voir. mais vraiment rien à voir. C'est comme si c'était hors contexte puis déplacé exprès. Puis c'est cette attitude-là que je peux pas tolérer. Puis moi, je suis pas obligé à personne, hein. Oui, des fois, bon, je vais agir parce que, bon, je vais avoir de la reconnaissance pour certaines personnes. Puis c'est un milieu où il y a beaucoup de bon monde. Puis donc, des fois, c'est comme, prenez David Lévesque. Des fois, je voyais des choses, mais j'ai jamais fait de remontrance. Je l'ai jamais confronté. C'est plus Marc de la Salle qui le faisait. Puis, bon, puis pourtant, David, il est assez intelligent pour savoir que c'était pourquoi, puis il finissait par le voir. Puis donc, bon, mais moi, j'ai jamais osé, j'ose pas, comme je ne vais pas sur la chaîne à Sabourin pour l'achaler. De toute façon, admettons que j'oserais faire ça, mes commentaires n'apparaîtraient pas. Mais de toute façon, bon, je l'écoute plus bien, bien, le Sabourin, là, depuis que, bon. Il nous parle de surpopulation, puis qui a endossé le discours des médias. Non, il n'a pas l'air de le voir qu'il y a des forces anti-vie, puis anti-humaines là-dedans. Donc, bon, je considère que c'est rendu un autre domaine, c'est rendu autre chose. Donc, ça me concerne pas. Ça me concerne pas. J'ai pas à faire ça. De toute façon, allez voir, même dire que moi, je suis dans le contrôle. Allez, essayer de faire des remontrances à Charles Sabourin pour le fun. Je serais prêt à parier tout ce que j'ai que ça ne marchera pas, hein. Parce que là, vous allez le voir, c'est quoi un petit peu être dans le contrôle. Puis pourtant, je considère pas que Sabourin, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Tant que ça, là, pas autant que d'autres cas que j'ai connus. Prenez, bon, maintenant Daniel Ménard est décédé, on peut en parler un petit peu plus.